Thank you. 1, 2. Alors, moi, tu dois m'entendre. Moi, je me suis mis en micro et en zoom. Moi, ça module chez moi. Tu devrais m'entendre. Ah. T'as un casque? Tu peux baisser un peu ma puce? On est sur quoi là? On n'est pas sur Canal Plus? Baisse le son. J'essaie depuis tout à l'heure de baisser, je n'arrive pas. Alors. Attends, hein, parce que. Ok. Hein? Ouais. Alors. Ouais. Moi, j'ai branché mon casque. Hein? C'est-à-dire que j'ai branché mon zoom sur l'entrée micro et j'ai branché mon casque sur la sortie HP, haut-parleur, hein? Sur la sortie casque, quoi. Je t'entends au téléphone, mais je t'entends pas de... Oui, parce que ça passe. Oui. Un, deux. Parce que moi, je m'entends. Ouais. Ouais, ça peut être normal, il y a Thank you.